Josabad, Shimei, Kelaja, Ukelita, Petaja, Judas et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des filles de Parosh, Ramia, Jizla, Malkija, Mijamim, Eliazar, Malkija et Benaja. Des fils de Lam, Matania, Zacharie, Jeiel, Abdi, Jeromot et Eli. Des filles de Zatu, Eljoenai, Eliashib, Matania, Jeromot, Zabad et Aziza. Des fils de Bebaï, Jokanan, Anania, Zabai et Ataï. Des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaj, Jacob, Sheal et Ramoth. Des filles de Pakat, Moab, Adna, Relaï, Benaja, Maseja, Matania, Betsalel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaeja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnai, Matata, Zabad, Eliphelek, Jirmnai, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Madai, Amram, Uiel, Benaja, Bedia, Kilhu, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnai, Jassai, Bani, Binui, Shimei, Shelmia, Nathan, Adaja, Mashbada, Shalshai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph, des fils de Nebo, Jeiel, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, une confession sincère doit comporter des éléments ci-après. Il y a trois choses. Il y a d'abord la contrition, il y a la reconnaissance de ses péchés et il y a la repentance. Nous voyons ces éléments ici. Nous voyons ici, Esdras est en train de rassembler le peuple pour confesser leurs péchés parce qu'ils se sont rendus coupables en s'alliant aux femmes étrangères, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs. Qui n'étaient pas des juives. Et c'était interdit par la loi de Dieu. Alors la première chose, nous voyons, il y a la contrition. C'est-à-dire le regret, la tristesse qu'on éprouve quand on a péché. Je veux parler à quelqu'un, mon ami. Lorsque, par exemple, ta femme te dit que ce que tu as fait n'est pas bon, tu l'as trompé. Mais il faut qu'elle sente que tu regrettes. Il y a des gens qui ne regrettent pas les péchés. Tu sais que tu t'es mal conduit. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon devant Dieu, devant les hommes. Et tu viens pour dire, demander pardon. Si j'ai mal fait, tu n'as qu'à me pardonner. On ne sent pas la tristesse. Regardez ce qui se passe ici. On dit au verset 1, pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes, enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Vous voyez, c'est ça, la contrition. Ils étaient en train de pleurer. Ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés très bas. C'est ça, la contrition. Deuxième élément d'une confession sincère que l'on retrouve ici, c'est le fait de reconnaître ses péchés. Quand on confesse ses péchés, on ne se justifie pas. Il ne faut pas dire, bon, si j'ai menti parce qu'il y avait tel problème, si j'ai volé, c'est à cause de ça. Non. Je veux parler à une femme. Tu n'as pas le droit de tromper ton mari parce que ton mari ne te donne pas l'argent. Tu dis, oui, ce n'est pas de ma faute. Comme mon mari ne me donne pas l'argent, c'est pourquoi je suis sorti avec mon collègue. Non. Quand on confesse, là, on reconnaît ses péchés. Voyez. Écoutez ici ce qui est dit. Au verset 2, « Alors Shekania, fille de Jeiel, d'entre les filles de Lam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. » Nous avons péché. Il faut que chacun de nous soit capable de dire « J'ai péché ». Péché, c'est transgresser les commandements de Dieu. Péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a des péchés que nous commettons en pensée, des péchés que nous commettons en parole, des péchés que nous commettons par les actions que nous posons et des péchés que nous commettons par omission, c'est-à-dire ce que tu devrais faire, tu ne l'as pas fait. Nous devons confesser, nous devons reconnaître. Et troisième élément d'une confession sincère, c'est l'élément repentance. C'est-à-dire, il faut maintenant que tu prennes une résolution de ne plus revenir. Et parfois, la repentance demande la réparation. Si tu as volé l'argent d'autrui, il faut remettre. Si tu as blessé quelqu'un, il faut aller réparer. Tu dis, bon, je me repens maintenant, je vais aller me réconcilier avec lui. Je vais demander pardon. Tu as pris un mari d'autrui, je vais parler à toi, une jeune fille. Une jeune fille, tu n'as même pas encore 30 ans et tu vis avec un mari d'autrui. et tu te dis chrétienne et tu chantes dans la chorale, j'aimerais te dire de te repentir, sinon Dieu va te frapper. Te repentir, c'est de dire je ne veux plus de toi parce que je suis chrétienne, je te laisse avec ta femme. Voilà, même si tu as promis l'argent, tu refuses l'argent, tu refuses la voiture. C'est ça la repentance. Ici, vous voyez, le peuple d'Israël s'est repenti. Ils ont pris la résolution de renvoyer les femmes étrangères, vous voyez. C'est ça. Tu peux pas dire tu te repens et tu continues toujours avec des maîtresses. Ça, c'est quelle repentance? Il faut prendre des décisions. Il y a des repentances où, par exemple, tu sais que tu vis avec un monsieur qui n'est pas ton mari. Tu enlèves son contact dans ton portable. La repentance, parfois, demande qu'on jette même certaines choses. Pas une qu'il t'a donné. Même si c'est bijoux en or. Si tu vois que ce sont des bijoux qui ont été envoûtés, tu vas qu'on les brûle. Tu vas voir un pasteur pour qu'on les brûle. Si tu as touché au fétiche, tu es entré dans les mouvements mystiques, tous les livres que tu avais eu là. Tu emmènes chez un homme de Dieu, on les brûle. C'est ça la repentance. Il y a la réparation. Il y a le fait de te détourner en posant des actions concrètes qui démontrent que tu veux réellement changer. Et ici, nous voyons que Esdras a pris des décisions draconiennes. Il a convoqué tous les peuples pour dire « Je convoque tous les peuples ». C'est pour aider les gens à se repentir. Deuxième grande vérité, la vie de sanctification et de repentance doit commencer par les leaders. Nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous les dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques, administratifs. Lorsque nous voulons voir un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, il faut que ça commence par nous les leaders. C'est ainsi que vous allez voir ici. Donc, ils ont commencé d'abord par les leaders, les sacrificateurs eux-mêmes. On a découvert que parmi les sacrificateurs, parmi leurs enfants, il y a des gens qui se sont alliés en prenant des femmes étrangères. Et il fallait que ça commence par eux. Si toi-même tu dis que tu es diacre, tu es président des jeunes, tu es président des mamans, si tu sais que tu ne vis pas une vie conforme à Dieu, tu ne peux pas demander à ceux qui sont en bas de toi de te séparer du péché alors que toi-même tu es dedans. Il faut d'abord que tu montres l'exemple. Et il est dit au verset 17, le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les filles des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des filles de Josué, filles de Josadak, des frères Marseja, ainsi de suite. On cite des noms. Verset 23, parmi les lévites, vous voyez, c'est parmi les responsables, les leaders. Et verset 24, on dit parmi les chantres. Tu ne peux pas être chantre et puis tu es pédé. Et tu te places devant pour chanter, les gens te regardent. C'est pas normal. Donc, quand tu es chantre, tu es parmi les personnes qui devraient mener une vie de consécration. Donc, les leaderships de l'église, ceux qui sont consacrés, qui sont engagés dans le ministère, doivent montrer l'exemple de sanctification et de repentance. Que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh, Gloire à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur pour toutes ces vérités. Te bénissons, éternel notre Dieu, pour le Saint-Esprit de vie qui nous convainc du péché. Grand est le chemin qui mène à la perdition, mais nous te louons, ô notre Dieu, notre Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous conduit à marcher dans la sanctification. Merci, ô Seigneur, pour la conviction de nos péchés. Merci, Seigneur, pour la repentance et la reconnaissance de nos péchés. Nous te disons merci, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous conduis jour après jour par le Saint-Esprit de vie. Tu es le Dieu qui pardonne nos péchés quand nous les confessons. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Merci, ô Éternel, notre Dieu, de convaincre les leaders de nos familles, les leaders de l'Église, les leaders de nos pays à se repentir afin que nous puissions réellement te glorifier à travers nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Esdras 10, 1 à 44. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour réellement que chacun de nous confesse les péchés et que ces étapes que nous venons de voir, la contrition, le regret d'avoir péché, la reconnaissance de péché, la repentance soient de réalité. Que le Seigneur nous aide réellement à confesser, à nous repentir, à abandonner nos péchés. Prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de toute justice, Dieu de sainteté. Nous crions à toi, Seigneur. Nous soupirons à tes pieds. Nous t'appelons au secours. Parce que, Seigneur, le désordre s'est installé dans nos familles, dans nos vies. On n'a plus peur de commettre le péché, de programmer le péché, de vivre dans le péché, d'aimer le péché. Oh Seigneur, ne viens me faire la publicité du péché en tant qu'enfant de Dieu. Nous t'en supplions Seigneur. Toi tu dis tu n'aimes pas que le pécheur meure dans ses péchés, mais tu veux qu'il se répande et qu'il vive. Nous venons à toi, que ton esprit fasse ton effet dans nos vies. Ta parole puisse avoir une influence positive sur notre vie, qu'elle nous amène à la repentance, à la contrition, au regret sincère, à l'abandon de tout péché, à prendre une décision maintenant, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas commettre la débauche, à ne pas commettre le vol, à ne pas commettre la corruption, la haine, la vengeance. Ô Dieu Tout-Puissant, vive dans l'hypocrisie. Ô Seigneur, acquérons-nous, c'est vers toi. La liste est longue, mais chacun sait ce à quoi il est faible. Il vient vers toi. Nous nous joignons à toutes ces personnes pour te demander pardon, de nous aider car tu as la porte. Nous voulons tous être sauvés. Purifie-nous par le sang de Jésus. Lave-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous nos leaders. D'abord, ça doit commencer dans nos familles. Les leaders dans la famille, c'est qui? C'est papa. Les leaders dans la famille, c'est maman. C'est les grands frères. C'est l'aîné de la famille. Nous allons prier pour que vraiment, à partir du leadership, à partir des parents, que nous soyons modèles. Et que si nous nous rendons compte que nous nous sommes égarés, que nous puissions nous humilier pour donner l'exemple à nos enfants. Que nous puissions mener une vie de pureté, de sainteté, de repentance. Prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu d'ordre. Tu as tout organisé dans ta parole. Tout disposé pour que chacun puisse avoir sa place. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le désordre, l'indiscipline. Ô Seigneur, dans des familles, les enfants se rebellent. Les femmes ne veulent pas respecter, obéir, se soumettre à leur mari. Et le mari ne veut pas aimer, se sacrifier. Là où nous travaillons, on ne veut pas se soumettre. Parce que celui qui nous dirige, on ne l'aime pas. On veut notre Dieu, notre Père, lui désobéir. Nous voulons nous joindre à tout ce désordre-là pour te demander pardon, pour te supplier, pour t'implorer, pour gémir à tes pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, même encore dans l'église, des hommes ne veulent pas obéir, respecter leur leader, le pasteur. C'est le désordre, oh c'est l'insoumission, les insultes, notre Dieu, notre Père, les coups bas. Nous voulons te supplier que ta parole fasse son effet, que ton esprit agisse pour que l'ordre que tu as établi soit suivi, soit obéi. Oh notre Dieu, notre Père, que les enfants obéissent à leurs parents pour qu'ils vivent longtemps. Que madame respecte son mari. Oh, notre Dieu se soumette à lui. Parce que c'est lui le chef qui a été établi. Là où nous travaillons, dans l'église. Que l'ordre que tu as établi soit respecté. Pour que nous soyons bénis. Nous soyons en paix. Notre Dieu, notre Père. Et que ta main se lève sur nous. Pour avoir la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier également pour le leadership de l'église. Afin que ceux qui dirigent l'église, les pasteurs, les apôtres, les anciens, les diacres, les responsables de corps constitués, mènent une vie de repentance. Et si parmi eux, il y a ceux qui mènent une vie de compromission, que le Saint-Esprit les touche pour qu'ils se repentent en posant des actes concrets de repentance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération Très excellent Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas en temps de détresse, nous nous confions en toi, ô Père éternel. Nous saisissons une fois de plus cette opportunité pour nous tourner vers toi et demander ta grâce. Demander ta grâce afin que les leaders dans ton église, les leaders, les responsables puissent mener une vie de repentance. Nous prions, ô Père éternel, pour les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les leaders, les anciens, tous ceux qui occupent un poste de responsabilité pour l'avancement de ton œuvre au sein de nos différentes communautés, que nous puissions mener tous une vie de repentance, une vie de crainte de l'éternel. La Bible déclare que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Nous prions au Père éternel pour tous ceux qui résistent, qui refusent de se repentir, qui sont endurcis dans leur cœur. Nous demandons, Père, que par ton Esprit Saint, tu interviennes dans leur vie afin qu'ils puissent changer, afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie, afin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent avoir véritablement la crainte de l'éternel. Père, tu nous as appelés, tu nous as équipés et tu nous as envoyés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et nous devons te servir avec crainte, avec respect, avec tremblement. C'est pourquoi il est important pour chacun de tes serviteurs, chacune de tes servantes, de marcher, de vivre une vie de repentance. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que cette journée soit bénie, que Dieu sanctifie quelqu'un qui revient à lui au nom de Jésus. Que le Seigneur donne la capacité à quelqu'un qui se repente sincèrement d'être relevé, d'être béni au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les décrets sataniques qui t'ont condamné, car la Bible déclare que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Que tu passes de l'humiliation à la gloire, que tu passes de l'échec au succès au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, c'était OSB, au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter.